Un fils savant. Fable. Le fils revint de la ville chez son père au village. « C'est aujourd'hui la fenaison, » dit le père. « Prends ce râteau et viens m'aider. » Mais le fils ne voulait pas travailler et il répondit. « J'ai appris les sciences et j'ai oublié tous les mots du moujik. Qu'est-ce que c'est que cet instrument ?» Il sortit et dans la cour marcha sur le râteau, dont le manche vint lui frapper le front. Alors, il se souvint, se frotta le front et murmura. « Quel sot a pu placer là ce râteau ?